Aïe, aïe, aïe. Hey, hey, hey, hey. Risca, Risca, Risca. Mets plus de jeu sur le yo-yo, mets plus de jeu sur le yo-yo. Elle a du jus dans ses lolos, elle a du jus dans ses lolos. Fais rentrer la pédaf, pédaf, fais rentrer la pédaf, pédaf. Fais rentrer le pénaf, pénaf, fais rentrer le pénaf, pénaf. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. J'suis libérable des vulnérables. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. J'suis libérable des vulnérables. J'suis rentré au D1 avec ma paire de Christian Dior. Starfall là, ça sentait mauvais comme le pétou de la jambe. À l'assaut de la moula et ma raison s'évapore. Les hérisses fouillent au corps, j'suis à WAP, j'ai rien vu, j'parle maf. J'suis millionnaire, je le valais bien. Hey, hey, hey, j'vais faire jouir ma cellule à force y faire des va-et-vient. Deuxième division de parachutisme, mais j'm'en bats les reins. Trop de haineux, si je meurs, enterrez-moi au Mont Valérien. Cet été, les rues seront vides, les prisons seront pleine. Personne va me coucher à Orly, j'suis une légende urbaine. Les amis sont devenus faux, les ennemis restent vrais. Même si on est peu, ils sont trop, on est prêts. Hey, mets plus de jeu sur le yo-yo, mets plus de jeu sur le yo-yo. Elle a du jus dans ses lolos, elle a du jus dans ses lolos. Fais rentrer la pédaf, pédaf, fais rentrer la pédaf, pédaf. Fais rentrer le pénaf, pénaf, fais rentrer le pénaf, pénaf. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. J'suis libérable des vulnérables. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. J'suis libérable des vulnérables. Y'a de la janjou, aïe aïe aïe. J'suis sur un bon coup, aïe aïe aïe. Ça sent la yeux fou, aïe aïe aïe. Tu t'es veillé d'où, aïe aïe aïe. Balafré comme Albator dans Aventador sous le Mirador. J'suis tellement hardcore que j'suis le cauchemar de Dark Vador. Tu passes tes journées comme un schlag dans un bain que t'es tricard, ça y est. J'la poursuite PSG avec mon savon petit Marseillais. J'monte malgré l'attraction, mon dos se développe à cause des tractions. À cause d'exactions, menotté serré pour une extraction. Si t'as vu le flingue, c'est que le flingue t'as vu. J'étais pas dans le SAMU, t'as vu. Pointu dans ton cas vu, j'dors en garde à vue. Sur le terrain, tous les rejoues, c'est pire qu'à la FIFA. Chez nous, Ken et on refoue et Barbie à la chicha. Mets plus de jeu sur le yo-yo, mets plus de jeu sur le yo-yo. Elle a du jus dans ses lolos, elle a du jus dans ses lolos. Fais rentrer la pédaf, pédaf, fais rentrer la pédaf, pédaf. Fais rentrer le pénaf, pénaf, fais rentrer le pénaf, pénaf. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. J'suis libérable des vulnérables. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe.